négritude, le chant des Amérindiens, le cœur à son attitude, aux heures du méridien. La prosodie étudie la forme inhérente au fond, au ton, la toile éclaircie. Aux heures du méridien.